ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Aujourd'hui on va parler de istiwa Allah ala arshe, dans ce qu'a évoqué Ibn Taymiyyah rahimahullah dans le dogme Mouassedit, c'est-à-dire que l'auteur il a parlé de la confirmation que Allah istawa sur son trône, et ça c'est évoqué dans 7 versets du Coran. Le premier verset dans Sourate Al-A'raf, inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-arsh. Sourate Al-A'raf, le verset 54. Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis, je ne vais pas traduire le mot, je vais dire, puis, istawa sur le trône. D'accord? Istawa. Qu'est-ce que ça veut dire, istawa? D'abord, je vais parler que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Il a créé les cieux et la terre en 6 jours, 4 jours il a créé la terre, et 2 jours il a créé le ciel. En 4 jours il a créé la terre, et en 2 jours il a créé le ciel. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans surat Fussilat, قال subhanahu fi surat Fussilat, قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. La traduction dit: reniez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours, et lui donnerez-vous des égouts, tel est le Seigneur de l'univers. C'est lui qui a fermement fixé les montagnes, des montagnes au-dessus d'elles, l'a béni et lui assigna ses ressources alimentaires en quatre jours d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Donc Sourate Fussilat, création de la terre en 2 jours, création des cieux en 4 jours. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سنوات في يومين. 7 سنوات en 2 jours. Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé et lui dit: ainsi qu'à la terre venaient tous deux bon gré mal gré, tous deux dire: nous venons, obéissons. Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours et révéla à chaque ciel, etc., etc., la suite du verset. Donc il a créé la terre en 4 jours, et il a créé les cieux en 2 jours. D'accord? Il nous apporte, oui, il n'obéit pas autant. Non, mais je veux dire, tout à l'heure tu nous as dit les cieux en 4 jours et la terre en 2 jours, là tu nous as dit le contraire. Non, c'est la terre en 4 jours, c'est-à-dire il a créé la terre en 4 jours et 2 jours le ciel, la création. Je répète le verset: dironiez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours et lui donnerez-vous des égaux, tel est le Seigneur de l'univers, c'est lui qui a fermement fixé les montagnes au-dessus d'elle, l'a béni et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée, telle est la réponse à ceux qui t'interrogent, c'est-à-dire ressources et les ressources qu'il a fait, et ça c'est en quatre jours, c'est-à-dire la création et les ressources c'est en 4 jours, et les cieux c'est en 2 jours. D'accord? Les cieux c'est en 2 jours et la terre c'est en 4 jours. Allah il n'obéit pas autant, il nous informe tout simplement. Il n'a pas fait le premier jour le ciel, puis il faut qu'il se repose, il y a la nuit, puis il faut un peu de jus d'orange pour avoir la forme ou quoi que ce soit. Non, Allah il n'obéit pas autant. Allah il peut arrêter le temps. Il peut, si vous connaissez l'histoire de celui qui الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. Regarde la nourriture, il n'a pas été touché 100 ans. 100 ans. Allah l'a fait mourir 100 ans et il l'a ressuscité. Il a dit, regarde à la nourriture. La nourriture, il n'a pas été touchée. Normalement, c'est la nourriture qui subit la désagrégation et tout. En une journée, tu laisses à l'air libre, elle est touchée par les toxines, elle est touchée par les champignons et les bactéries. Non, la nourriture, elle n'a pas été touchée. Et l'âne avec sa chair et tout, il est devenu squelette. C'est-à-dire, il a arrêté le temps sur la nourriture et l'animal, il a obéi au temps. Allah, il n'obéit pas. Il peut arrêter le temps sur quelqu'un, et puis l'autre, son temps, deux personnes, il peut arrêter le temps sur une personne, il garde, s'il a 10 ans, il garde ses 10 ans, et l'autre, le temps, l'autre, il obéit au temps, il atteint son temps, alors qu'il s'en est en même temps. C'est-à-dire, Allah, il n'obéit pas au temps. Quand il a créé les cieux et la terre en 6 jours, il n'obéit pas au premier jour, au deuxième jour, comme on dit les juifs. Hein? Il a créé les cieux et la terre en 6 jours et puis il s'est reposé le sabbat. Il a eu la fatigue et puis l'accumulation de l'acide lactique, des douleurs musculaires et puis il s'est reposé. Comme ça, il ressemble à Allah, à ses créatures. Allah, il n'obéit pas autant. Subhanahu wa ta'ala. 2 jours, 4 jours la terre. 2 jours les cieux. Subhanahu. Donc, les Ahl Sunnah wal Jama'a, ils croient qu'Allah subhanahu wa ta'ala mustawin ala arshe istiwa'an yaliqu bi jalalihi wa la yumathil istiwa' al makhluqin. Alors que signifie istiwa'? Que signifie ce salat al istiwa'? Alors dans toute la langue arabe, l'istiwa', il signifie, je vais dire les termes en arabe, ala irtafa'a fa'ida wa istaqarra, c'est-à-dire s'est élevé et aussi monté et puis s'est établi ou s'est installé. D'accord? Ala s'est élevé, c'était irtafa'a wa ala, ça veut dire s'est élevé. Sa'ida ça veut dire monté et istaqarra ça veut dire s'est établi ou s'est installé. D'accord? Donc c'est ça là. Donc, Toute la langue arabe, dans les poèmes des Arabes de Quraysh, les tribus à côté, istawa, ça ne veut dire que ala wa tafa'a wa sa'ida wa istaqarra. Ou bien c'est élevé, ou monté, ou c'est installé, ou c'est établi. On ne trouve rien dans la langue arabe que ce terme-là. On va parler où les autres sectes ont dévié. Voilà. Je vais dire les termes qui sont utilisés là. Il y a des preuves dans le Coran, d'accord? قال تعالى والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولون سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. D'accord? La traduction dans le verset 12 du surat al-Zukhruf, celui qui a créé les couples dans leur totalité et a fait pour vous des vaisseaux et des bestiaux, et des vaisseaux et des montures, afin que vous, litastawu ala zuhuri, afin que vous vous installiez sur leur dos. D'accord? Istawaytu ala zahr al-himar, ça veut dire, je me suis installé sur le dos de l'âne. D'accord? Litastawu ala zuhuri. Litastawu, pour que vous installiez, que vous vous établissez sur les dos. Afin que vous vous installiez sur leur dos, et qu'ensuite, après vous y être installé, vous vous rappeliez le bienfait de votre Seigneur, et que vous disiez gloire à celui qui nous a soumis tout cela, alors que nous n'étions pas capables de les dominer, bien sûr, quand on monte une voiture ou un âne ou. On dit le doua qui est connu, vous allez le trouver dans Hasan al-Muslim. Subhana alladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Idha istawaytum alayhi. Regarde, istawa ala. Même un innovateur qui nie qu'Allah il est istawa sur son trône, il va dire istawa ici, ça veut dire s'installer. Il est d'accord avec toi, mais quand il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala, là il commence à dribbler. Israël commence à baratiner. Donc, istawa ala, ça veut dire s'installer dans ce verset-là. Donc, c'est-à-dire le terme que j'ai utilisé. L'itastawa ala dhuhuri, c'est-à-dire tastakarru wa tartafiru. C'est-à-dire s'installer et monter ou s'élever. Qala ta'ala, dans un autre verset, dans surat Mu'minun, فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Je répète le verset. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Allah est parlant de Nuh alayhi salam. Et lorsque tu seras installé, toi et ceux qui sont avec toi dans l'arche, dit louange à Allah qui nous a sauvés du peuple des injustes. D'accord? D'accord? C'est clair? Allah il dit, il astawaita ala al-kulk. Tu t'es installé sur l'arche. Aucun négationniste ne conteste le fait que istawa ala ici, ça veut dire s'est installé. D'accord? Donc, les négationnistes, ils ont du mal à concevoir istawa, ça veut dire s'installer ou s'est élevé concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Au point, ça, je l'ai pris de Cheikh Ibn Jibreen, hafizahullah, dans l'explication d'un dogme aussi, de l'Umma'at al-Atiqad, l'Ibn Qudama, au point que la tête du Jahmite, Al-Jahm ibn Safwan, l'un des têtes du Jahmite et des négationnistes, il a dit, quand il était entouré de ses collègues, là, il a dit, si je pouvais, j'effacerais ce verset du Coran, le verset de l'Istiwa, Istawa al-Arsh. Il a voulu l'effacer, c'est comme ça, quand notre cœur dévie, c'est comme ça, on veut effacer certains versets qui contredisent notre dogme. Quand on ne se soumet pas au dogme d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne se soumet pas aux textes. On conçoit d'abord un dogme, puis on essaie de tordre le cou des textes. Et puis, quand on ne trouve pas de solution, comment on va faire? On ne peut pas effacer la parole d'Allah. Il a dit, si je pouvais, je passerais ce verset-là. J'aime Ben Safwan. Alhamdulillah, il a reçu le châtiment ici-bas d'ailleurs. Ce verset a été tellement, c'est-à-dire il a été tellement lourd sur leur cœur qu'ils se sont efforcés de chercher un autre sens de istiwa et l'ont expliqué par quoi? Istawa, ils l'ont expliqué par quoi? Par istawla. Par istawla, ça veut dire quoi? Ça veut dire istawla, ça veut dire quoi? Dominer et envahir. Et l'ironie aussi de la phrase, c'est-à-dire en arabe, istawa, on ajoute quoi pour ça devient istawla? On ajoute quoi? En français d'abord. Istawa et istawla, on ajoute quoi? Un L. Et en arabe, qu'est-ce qu'ils ont ajouté? L'am. Ah, ils ont ajouté un l'am. Istawa, puis il a fait un l'am au milieu. Et là, il s'efforçait de chercher dans la langue arabe un texte ou quelque chose, ou une phrase, n'importe quelle phrase où il trouvait istawa. Signifie dominer, envahir, c'est-à-dire istawla. Vous me suivez? Vous avez compris? Il s'est forcé de chercher dans la langue arabe. Le Coran, il est de langue arabe pure. Il cherchait, bon, ils se sont basés dans leur falsification sur un vers de poème qu'on ne connaît même pas l'auteur. Donc ils se sont basés sur un poème. Ils ont découvert un poème. Le poème, ce poème, c'est ça, je vais vous le dire. قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. Ça c'est un poème qu'ils ont trouvé et ils ont dit قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. بشر استوى sur l'Irak sans épée ni de goutte de sang écoulé. C'est-à-dire il est rentré sans combat, sans, c'est-à-dire avec. Donc ils ont dit استوى là, استوى sur l'Irak, ça veut dire il a envahi. Ça ne peut pas être qu'il est au-dessus de l'Irak. Il n'y avait pas d'avion. Aussi, ils se moquent, les jahmites actuels, les ahbash et tout, ils se moquent, il n'y a pas d'avion pour qu'on dise qu'il est au-dessus de l'Irak, il a survolé l'Irak. Ils ont dit, bon, il a envahi, on peut l'expliquer que par envahir. Ils ont dit que c'est envahir. Et donc ici, c'est pas s'élever, mais envahir. Donc on peut expliquer le verset du Coran, Allah istawa, ça veut dire il a envahi, ou il a dominé. Maintenant, on va détailler sur ça, on va on va un peu éclaircir leur égarement, déjà parce que ils ont dit que le fait qu'Allah s'élève sur le trône, c'est une imperfection. Mais au contraire, c'est-à-dire ils ont attribué à Allah une vraie imperfection quand il lui attribue le fait qu'il a envahi le trône. On répond, nous, les salafis, les sunnas, on va répondre à eux. Premièrement, si on explique istawla, ça veut dire dominer, donc le trône n'a pas de valeur puisqu'Allah domine tout. Allah, il domine tout. Mais Allah, il a privilégié le trône. Allah domina le trône. Pourquoi il a privilégié le trône par rapport aux arbres? Pourquoi il n'a pas dit il a dominé les cieux, les arbres, la terre, l'eau, les humains? Pourquoi exactement le trône? Pourquoi il a privilégié le trône? Donc le trône n'a pas de valeur dans ce cas, si on explique istawa par dominer. D'accord? C'est-à-dire, il aurait pu dire istawa sur les arbres, les montagnes, istawa sur la terre, istawa... D'accord? Ça, c'est un point. Deuxième point, si on explique istawla par envahir, bien sûr, ou dominer, ça veut dire quoi? L'envahissement. L'envahissement d'une terre. Avant d'envahir une terre, qu'est-ce qui se passe? Un combat. D'abord, une terre, pour que tu l'envahis, normalement, il ne doit pas t'appartenir avant. Hein? D'accord? Les Français, quand ils ont envahi l'Algérie et le Maroc, l'Algérie et le Maroc n'appartenaient pas aux Français avant. Donc le trône, si Allah envahit le trône, à qui appartient le trône avant? C'est-à-dire que le trône, il appartenait à quelqu'un d'autre, et puis Allah, il vient, il l'envahit. Hein? Il a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il a envahi le trône. Ah, le trône, c'est pas qui il appartenait avant. Vous avez compris? Si on explique istawa par envahir ou dominer, donc le trône à qui il appartient? Parce que le terme envahir ne vient qu'après un combat, mura alaba. Il y avait déjà un combat, puis après ce combat, le vainqueur va envahir. Allah, il s'est battu avec qui? Il s'est battu avec quelqu'un pour envahir le trône. D'accord? Vous avez bien retenu ce que ça veut dire. Et donc, le fait aussi, istawla, c'est une explication contraire à celle du salaf, des compagnons. Ils sont unanimes que personne n'a dit que istawa signifie istawla. Déjà, le salaf, les sahaba, les compagnons, aucun texte ne dit que istawla veut dire envahir. Et même le père des exégètes, Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, il dit istawa arsafa, ou istawla, ou kazalik. Donc ذلك ابن كثير رحمه الله وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. Tout bien vient de notre salaf et tout mal vient de ceux qui l'ont les successeurs qui commencent. Salaf, c'est notre salaf, les compagnons et ceux qui les ont suivis, hein, dans le bel agir. C'est les prédécesseurs. Ouais. Bien sûr, ceux qui ont donné leur sang sur... qui ont écrit la révélation, ils ont écrit la sunna, ils ont donné leur sang sur la sunna. Et c'est eux qui comprennent bien les textes. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui a donné son sang pour un verset du Coran et l'autre qui l'a... il l'a prêt, c'est-à-dire. Il l'a sur un plateau d'or. On a le Coran sur un plateau d'or. Des gens, ils ont payé de leur sang. Commence à baratiner, à utiliser leur... Donc, istawla, ça veut dire... يعني, أن الغالب من كلمة استولى أنها لا تكون إلا ببعد مغالبة. C'est ce que disent les Arabes, unanimes. Istawla, ça ne peut avoir lieu qu'après un combat. Donc, Allah, il a combattu qui? Vous dites qui a combattu, puis nous, on va adopter ce terme. Ou on va être comme les juifs ou les chrétiens, il veut dire qu'Allah, il a combattu les diables, et je ne sais pas qui vont gagner, et tout, ignorance sur ignorance. Qala Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans les fatawa, le 5e volume, la page 146, وَلَمْ يَثْبُتْ نَقْلٌ صَحِيحٌ أَنَّهُ شِعْرٌ عَرَبِي وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكرون. Il parle du fait que istawa, le poème là, les deux vers du poème où istawa veut dire istawla, Ibn Taymiyyah il a dit, on ne trouve pas un texte authentique qui nous montre que c'est un poème arabe. Et وكان غير واحد من أئمة اللغة et beaucoup des imams de la langue, des connaisseurs de la langue, ils l'ont renié et ils ont dit وَقَالُوا إِنَّهُ بَيْتٌ مَصْنُوعَ لَا يُعَرَفُ بِاللُّغَةِ. Ils ont dit c'est un vers qui a été fabriqué, c'est-à-dire les deux vers du poème ont été fabriqués de toutes pièces, comme ça ils les ont collés pour confirmer un dogme des gens qu'Allah a dévié leur cœur. وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَوْ احْتُجَّ بِحَدِيثٍ. Regarde comment il répond à Ibn Taymiyyah rahimahullah. Déjà ça c'est un vers qui a été fabriqué de toutes pièces pour expliquer le fait qu'istawa veut dire istawla. Et deuxième chose, il a ajouté وَقَدْ دَعْوَلِمَ أَنَّهُ لَوْ اِحْتُجَّ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمِ لَحْتَاجَ إِلَى صِحَّةٍ. Et même si il est connu chez tous les ulamas que vraiment si quelqu'un donne comme preuve une parole du prophète صلى الله عليه وسلم, on est obligé de chercher la preuve. On est obligé de chercher ce qu'on appelle l'isnad. Est-ce que c'est vraiment authentique ce hadith ou non? Alors qu'en est-il s'il s'agit d'un vers de poème, d'un type qui est anonyme, qu'on ne connaît même pas, et qui est la base d'un dogme? Tu te rends compte? La base d'un dogme. Subhanallah. Il laisse, il jette la parole du grand exégète de Al-Sunnah, du grand exégète parmi la tête des compagnons, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu. Allah, le professeur sallam, il a invoqué Allah pour lui. Il a dit Allahumma allimu ta'wil, lahumma faqihu fi din wa allimu ta'wil. Il a prié Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il le dirige vers la bonne connaissance et pour la bonne explication, la bonne compréhension des textes du Coran. Subhanallah. Il dit istawa, ça veut dire ista'ala. On rejette la parole d'une tête, on rejette la parole d'une montagne de science devant un poème qu'on ne connaît même pas l'auteur. Subhanallah, qu'on ne connaît même pas l'auteur. وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتاج إلى صحته فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده وقد طعن فيه أئمة اللغة. Alors qu'en est-il s'il s'agit d'un poème qu'on ne connaît même pas l'isnad, qu'on ne connaît même pas l'origine, et beaucoup des gens de la langue, ils l'ont ta'anaté, c'est-à-dire ils l'ont critiqué. Majmou' al-fatawa. Lakinna ba'dahum. C'est-à-dire, il y en a qui l'ont attribué à l'Akhtan, à une personne qui s'appelle l'Akhtan. Ou l'Akhtan al-Nasrani. Celui à qui il lui rapporte ce verset à l'Istawa Bishrun al-Iraq min ghairi saytin wala damin min iraqi, c'est-à-dire Istawa dans ce poème qui veut dire Istawa d'après eux, il est rapporté par qui? Par l'Akhtal. Et qui est ce l'Akhtal là? Il est qui? C'est un chrétien. Alors maintenant la parole d'un chrétien, il est une base d'un dogme, il est une base finalement. Akhtal, lam yadkhul l'islam. Lam yadkhul l'islam. Wallah, parce que dans ces poèmes-là, ils ont ramené d'autres vers d'un poème du même auteur. Ils ont dit l'Akhtal, ils ont cherché d'autres, comment ils se vantaient de sa chrétienté et comment ils se moquaient de la religion d'Islam. Je ne l'ai pas, j'ai... De toute façon... C'est dans quel livre? Hein? La référence, je ne l'ai pas eue, mais c'était d'un grand cheikh qui est encore vivant, Hafidhahullah ibn Jibril. Dans l'explication de l'Ma'at al-Tiqad, il a évoqué certains de ses poèmes. Ton cœur, il va se resserrer. Comment il insulte la religion d'Allah, la religion de l'islam. Et on le prend comme référence. On le prend comme référence. Une bonne base sur laquelle se base le dogme des maturidites et des ahbaj et des jahmites, des négationnistes. Et donc l'Akhtan, qui est un chrétien. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans un des poèmes où il répond à ces gens-là, وَدَلِيلُهُمْ فِي ذَاكَ بَيْتٌ قَالَهُ فِي مَا يُقَالُ الْأَخْطَلُ النَّصْرَانِيُ. Et donc leur preuve dans tout cela, c'est un vers rapporté par quelqu'un qu'on nomme l'Akhtal, le chrétien. وَفِي لَاوِي شَيْخِ الْإِسْلَامِ بْنِ تَيْمِيَةِ. Il dit قُبْحٌ لِمَنْ نَبَذَ الْكِتَابَ وَرَاءَهُ وَإِذَا اسْتَدَلَّ قَالَ يَقُولُ الْأَخْطَلُ. Malheur à celui qui rejette le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala derrière lui, et quand il donne une preuve, il donne la parole d'un chrétien. Akhtan. Ça c'est une histoire qui s'est passée entre Abu al-Ma'ali al-Juwayni, c'est-à-dire Abu al-Ma'ali al-Juwayni, c'était un savant, mais c'était un savant qui est dévié un peu dans le dogme. c'est un savant, Ash'ari. Et donc il a dit, قال أبو المعالي الجويني يبرر مذهب الأشاعرة وينكر استواء الله على العرش. Il renie le fait qu'Allah s'est élevé sur son trône. بل وينكر علو الله. Il renie aussi qu'Allah est au-dessus des cieux. Il a dit, كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره. Allah il était et il n'y avait rien que lui. D'accord. وهو الآن على ما كان عليه. Et maintenant il n'a pas changé. C'est-à-dire là où il est toujours. Il veut renier quoi? Il veut renier qu'Allah il s'est élevé sur le trône. C'est difficile cette phrase un peu pour, c'est-à-dire il faut que connaisseur pour. كان الله ولم يكن شيء غيره وهو الآن على ما كان عليه. C'est-à-dire كان الله il n'y avait rien d'autre que lui et il est là où il est quoi. Mais nous on croit non. Il a créé les cieux et la terre. Puis il s'est élevé. Ah. Après il a décidé, c'est pas de l'acte, c'est pas fait lire. Et c'est pas fait lire, maradouha ila mada, ila le Mashi'a. Il a voulu s'élever et il s'est élevé. Il a créé les cieux et la terre, et puis le terme summa, khalaqa samawati wa ardha fi sittati ayyam, summa. Summa ça veut dire quoi? At-tartib. Premièrement, at-tartib, et puis, c'est-à-dire, wa-tarahi, at-tartib wa-tarahi. Il n'y a pas at-tartib wa-tawriya, et puis, summa at-tartib wa-tarahi, c'est-à-dire, après un temps, et puis, il s'est élevé, subhanahu wa ta'ala, sur le trône. Il nous a informé de ça. Abulna Ali Jouani, il a dit ça, il voulait renier que Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala al-ars, c'est-à-dire, il s'est élevé. Et il disait كان على عرش وهو الآن على ما كان عليه. C'est-à-dire il était, il n'y avait pas de trône et là, et il est toujours là où il est. D'accord. C'est-à-dire il renie qu'Allah s'est élevé. Et puis l'imam Abu al-Ala al-Hamadani, un autre alim, un autre grand savant, il discutait avec lui. Puis il a dit, ya ustad, oh professeur, دعنا من ذكر العرش. Il parlait à Abu al-Ala al-Juwayni. Abu al-Ala lui disait, Allah s'est pas élevé. Et puis il a dit, da'na min zikri al-arsh wa al-istiwa'i al-arsh. C'est-à-dire, laisse ça à part. N'en parlons pas de ni de trône, ni de le fait de s'élever sur le trône. Wa lawla anna Allah akhbarana bihi ma 'alimna. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il ne nous a pas informé de ça, on ne va pas le savoir. Mais, akhbirna. ولولا أن الله أخبرنا بما به ما علمناه أخبرنا في هذه الضرورة التي نجد في نفوسنا ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو الذي يطعن تخمة كذي أمودي وبين الذي يا الله sans qu'il soit poussé intérieur à l'intérieur de lui d'élever ses yeux vers où? Vers le haut. Et ça, c'est la prime nature. Et ça, personne ne peut contester. Quand il s'agit de la prime nature, personne ne peut contester. Quelqu'un peut contester que le fait que les impuretés, on peut les manger. Il dit, les impuretés, c'est bon, je vais les manger. Ça, c'est, tu le refoules par prime nature. Que la personne est mécréante ou musulmane. Il va dire, non, c'est mauvais, il ne faut pas manger ça. Hein? Les gens sont de même. L'être humain, mécréant ou non, ou musulman, s'il est coincé dans une situation grave, il lève la tête vers le haut. Vers le haut. Et là, personne ne peut contester. Akhbirna fi hadhihi ad-darura. Informe-moi sur cette nécessité qu'on trouve à l'intérieur de nous, n'importe quel connaisseur qui dit Ya Allah. ما قال عارف قط يا الله أو الله إلا ووجد من قلبي n'importe quel connaisseur qui dit يا الله أو mon Dieu أو الله il est obligé de trouver à l'intérieur de lui une nécessité qui exige à ce qu'il cherche le plus haut le talab al-ulu فبهت أبو المعالي c'est-à-dire أبو المعالي qui renie qu'Allah est au-dessus du trône il a été blême devant cette parole de l'Hamadani rahimahullah wa ja'ala yadrabu ala ra'si. Il a fait comme ça, il commence à frapper sur sa tête. Il a dit hayyarani al-Hamadani wa hayyarani al-Hamadani. Il a dit il m'a mis dans une situation perdue, quoi, confuse. Ça, c'est une preuve de prime nature. Donc, le deuxième endroit, le premier, on a parlé, hein, le premier verset, parce que c'est Istawa ala Arsh, c'est dans six versets du Coran. Le deuxième, Istawa ala, hein, Istawa ala dans six versets, parce qu'il existe Istawa ila, ou Istawa tukur. Ça existe dans le Coran, on va en parler. Donc le deuxième endroit dans Surat Yunus, Inna Rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyam, thumma istawa 'ala al-'arsh. Surat Yunus, votre Seigneur est Allah qui créa les cieux et la terre en six jours, puis s'est établi et istawa sur le trône. Troisième endroit dans Surat Ar-Ra'd, Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha, thumma istawa 'ala al-'arsh. Allah est celui qui a élevé bien haut les cieux sans pilier visible et s'est établi istawa sur le trône. Quatrième endroit dans Surat Taha, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Dans le cinquième endroit, Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha wa ma baynahuma fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-Arsh Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Dans Surat Al-Furqan, c'est lui qui en six jours a créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux et le tout miséricordieux. Istawa s'est établi ensuite sur le trône, interroge donc qui est bien informé de lui. Dans sixième endroit, Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Dans sourate Sajda, Allah qui a créé les cieux et la terre en six jours et il s'est établi sur le trône. Donc à chaque fois, vous entendez Istawa et après Istawa 'ala. Ça veut dire ista'la, ça veut dire istaqarra, ça veut dire sa'ida, ça veut dire ala. D'accord? On est d'accord là-dessus. Maintenant, parce qu'en arabe, le verbe, ça dépend de ce qu'on appelle la préposition, c'est pas qui est devant, de la lettre qui est devant. Dakhala fi ou dakhala ila, il y a une différence. D'accord? Kharaja min. Ou kharaja ala, ou kharaja ila, ça change, hein? Kharaja min, ça veut dire il est sorti de la maison, kharaja min al-manzil, hein? Kharaja ila, ça veut dire il est sorti, mais pour un objectif, il est sorti vers un endroit, hein? Kharaja ala, ça veut dire il est sorti du groupe, ou il est sorti de quelqu'un, kharaja ala al-hakim, ça veut dire qu'ils sont sortis du roi ou du gouverneur. Donc ila ala min, ils ont des rôles très importants, d'accord? Même des fois le verbe il change, aynan yashrabu biha al-muqarrabun, aynan yashrabu boire biha, mais là yashrabu ça ne veut pas dire boire parce qu'il y a le ba après, donc yashrabu ça veut dire yurwa biha, c'est à dire boire et boire jusqu'à se rassasier jusqu'à, c'est-à-dire il n'y a plus de soif. C'est-à-dire deux significations qu'on juste devant le verbe yashrabu, il y a le bas. Et yashrabu min, ça ne veut pas dire boire jusqu'à se rassasier, non, juste boire. Vous avez compris? C'est-à-dire rien que le terme, la lettre qui est devant le verbe, ça peut changer la signification. Ça peut changer la signification du verbe. Donc, maintenant, istawa ala, ça ne veut dire que ça. Ay ala, wa staqarra, wa sa'ida, wa sta'ala. Maintenant, istawa ila. Qu'est-ce que ça veut dire? Istawa, mais devant istawa, il y a ila. Il y a dans un verset du Coran, ثم استوى الى السماء, dans Surat al-Baqara, ثم استوى الى السماء, فسواهن سبع سماوات, وهو بكل شيء عليم. ثم استوى الى السماء. Puis ila. Istawa ila sana, ça veut dire quoi? Ça veut dire qasadaha, ça veut dire il s'est dirigé et s'est adressé vers le ciel. Ou comme il est, j'ai vu dans la traduction, il a orienté sa volonté vers le ciel. C'est-à-dire, cette traduction, elle est assez bonne quand même. Il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit sept cieux et il est omniscient. Donc, rien que quand le verbe, devant le verbe, il y a un autre terme, ça y est. ça peut changer. Hein? Devant le verbe, il y a une lettre qui... parce que c'est très important les lettres. Là. Le bi, le fi, le ala, le min, ça change carrément le sens. D'accord, c'est très important ça. À travers la langue arabe. Oui, à travers la langue arabe pure. La langue arabe. Arabe, oui, c'est ça. Utilisé, quoi. Oui, et oui. La grammaire et d'autres analyses aussi. Par oui, oui, bien sûr. Le vocabulaire. Quand un verbe, le verbe, il dépend de la lettre qui est devant lui. Le verbe, il dépend de la lettre. Quand la lettre qui est de, ça dépend. Quand elle change, le sens du verbe, il change. D'accord? Le sens du verbe, il change. Donc là, istawa ila, ça veut dire, il a orienté sa volonté et s'est adressé vers le ciel. Et maintenant, alors, il y a aussi les Arabes, ils disent istawa. Et ça, istawa, al-fi'l al-mu'adda bil-waw. Si vous comprenez en arabe, fi'l istawa, lamma uddiya bi'ala, qusida bihi al-isti'la, wa qusida bihi al-ulu, wa qusida bihi al-istiqra. D'accord? معدات الفعل المعدة الفعل فعل استوى معدة بعلى أو فعل استوى معدة بإلى c'est-à-dire le verbe qui est lié à un حرف un mot comment on appelle ça من إلى عن على à la proposition donc ça dépend de la proposition qui vient devant maintenant استوى عدية بحرف الواو c'est-à-dire استوى الماء والخشبة استوى الماء والخشبة c'est-à-dire l'eau et la branche de bois ils sont à égalité استوى الماء والخشبة parce que استوى là la préposition qui est après c'est le واو et si maintenant استوى mais il n'y a rien devant غير معدات بحرف il n'y a aucune préposition ou préposition devant. Istawa sans préposition. Le verset du Coran, ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. Allah SWT parle de quoi? Il parle de qui? Il parle de Moussa alayhi salam. De Moussa. Donc istawa dans ce verset-là, qu'est-ce que ça veut dire? Istawa dans ce verset-là, ça veut dire kamula. Ça veut dire il a. C'est-à-dire qu'il a pris la forme, il a pris la forme entière. C'est-à-dire qu'il a pris une bonne forme. D'accord? Wastawa. Tawa, il est devenu, ça y est, devenu solide, il est devenu, il tient bien debout. Parce qu'il n'y a pas ala devant, ni ila, ni waou. Il n'y a rien. Il y a istawa tout court. Alors si istawa tout court, ça veut dire kamula. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quand il y atteint sa maturité et sa pleine formation, nous lui donnâmes la faculté de juger et une science. Donc, quand il eut atteint sa maturité, et sa pleine formation, ça veut dire wastawa. D'accord? Donc ça, c'est la signification. On a pris tous les termes du Coran où c'est évoqué stawa, soit stawa ala, soit stawa ila, soit stawa tout court. Wastawa da pastawa. Quand il parle des plantes qui tiennent debout. Donc ça, parlons du stawa, on a fini. Donc si quelqu'un vous débat là-dessus, vous connaissez la signification de chaque terme, vous pouvez en parler. D'accord? Maintenant, on va parler des autres preuves dans le Coran. On va plus parler du stawa, on va parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est au-dessus de toutes ses créatures. D'accord? Il y a aussi certaines questions qui se posent, que je l'ai trouvées ici, des questions, mais je ne sais pas si je dois le... De toute façon, vous devez connaître que l'istiwa, c'est un attribut de l'acte. C'est pas fi'liya, yani maradduha ila mashi'atillah, subhanahu wa ta'ala. Allah, il a voulu, c'est élevé. D'accord? C'est clair. Mais avant la création du trône, il était élevé ou il n'est pas été élevé? Il était élevé, il était de très haut, avant la création du trône. Il est toujours le plus élevé. Il est toujours le très haut. Zatan wa makanatan wa qadra. Il était toujours le très haut. D'accord? Mais quand il a créé le trône, il y a eu une élévation spéciale liée à sa volonté. Hein? C'est pour ça qu'on appelle Sifa fi'liya. D'accord? il était toujours le très haut, et puis après il y avait Istiwa, c'est-à-dire une autre élévation spéciale. D'accord? Donc, là on va parler de Ulu Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il a évoqué 6 versets là-dessus, et on commence par le premier verset de Al-Imran, Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayhi. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Isa alayhi salam, rappelle-toi quand Allah a dit au Jésus, certes je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi. Et on élève quelque chose du quoi? Là on a élevé quelque chose du bas vers le haut. Allah il a élevé Isa vers lui, ça veut dire qu'il est très haut et il a élevé Isa du bas vers le haut. D'accord? Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayhi. Isa il n'est pas mort ou il est mort? Il n'est pas mort. Et donc qu'est-ce que ça veut dire mutawafik? Vous comprenez ce que ça veut dire wafat? Wafat, tawaffa. Ça peut dire mort. Ça peut dire mort. Wafat, tawaffa. Ah, plein tawaffa. Vous entendez dans ça comme tawaffa. La rahma tawaffa. Ah, vous entendez parler de ça? Tawaffa, ça veut dire une mort. Mais ça peut être aussi une prise de l'âme au sommeil de la personne. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour, et puis il vous ressuscite le jour afin que s'accomplisse le terme fixé. Ça veut dire il prend l'âme à la période du sommeil. Donc wafat, Allah subhanahu wa ta'ala il a pris l'âme de Isa, mais c'est une prise de sommeil. Il est pareil que la prise du sommeil. Hein, d'accord? C'est-à-dire, on penche vers la majorité des exégètes, ils sont là-dessus. Ils disent. Le corps est vide. Oui. Ah oui, le corps entièrement. Alors, Firouka, bonne question. C'est-à-dire, Rafi'uka lui-même, il l'a élevé lui-même, dans le Mi'raj. Parce que beaucoup, ils ont touché à ça, ils ont dit, non, c'est son âme qui était. Non, nous on croit, subhanalladhi asra bi'abdi. C'est-à-dire, corps et âme. Vers les cieux, corps et âme du prophète, Isa alayhi salam, corps et âme. Vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Rafi'uka ilayhi. D'accord? Mais il a pris son âme, une prise bien spéciale qui ressemble, certains exégètes, il penche beaucoup du côté qu'il a pris son âme comme une prise du sommeil. D'accord? Il y a un qabada nafsa wa tawaffa. Wallahu a'lam. Donc ça concernant Isa alayhi salam, et puis les autres versets, Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayhi, le deuxième verset, رفعه الله إليه دون سورة النساء وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا في شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه يا الله لا إلبي برلي سأسنى نطر برسي كي مونتر سي إلا إلبي جبا برلي وصابدير لذن صلى الله سبحانه وتعالى سوتشي دي آخر سورة النساء vers la fin de la سورة النساء. Ils l'ont pas tué, ils l'ont pas crucifié, mais Allah l'a élevé vers lui. La personne qui a été crucifiée à sa place. Ah, c'est une. C'est quelqu'un que. Qui lui ressemble ou. Je sais pas. Je sais pas exactement. Parce qu'il y avait beaucoup de paroles là-dedans et. بَرَّفَعُ اللَّهُ إِلَيْهِ dans surat al-Nisa. Et l'autre verset aussi, إِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ dans surat al-Fatir. Vers Allah monte la bonne parole. Ça veut dire quoi? Qu'Allah il est très haut et la parole il monte vers lui. الآية الرابعة, يَا هَامَانُ بْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا dans surat al-Ghafir. Vous n'avez pas le Coran français? Normalement, il faut toujours me ramener le Coran français pour les versets que. Je crois, on m'a dit que. Enfin, ce Coran-là, Ils ont insisté beaucoup parce qu'il a été révisé par des ulama de l'Arabie Saoudite, et ils ont insisté surtout sur l'Istawa. Et c'était bon, quoi. Mais très souvent, on avait vu qu'ils avaient dit que. Oui, oui, c'est. Le... Les prépositions, il a en général, il veut dire vers le but. Zahabtu ila. إليه يصعد إلى حرف جر ها والهاء الهاء ضمير متصل في مبني على مبني على الكسر في محل جر ها تقدير اسمه إلى الله ها يقدر الله الهاء remplace quoi اسم الكريم اسم الجلال الله إلى الله يصعد الكلم الطيب vers Allah vers Allah سبحانه وتعالى ça veut dire qu'il est au-dessus. Et puis le verset du Coran, c'est ça, beaucoup de ulama, dans les livres du Dogme, on trouve beaucoup de ulama se basant sur ça, le verset là. Pharaon dit, oh Haman, construis-moi une tour pour que je puisse atteindre les portes du ciel et monter ainsi vers le Dieu de Moïse, car je vois, car je crois Moïse imposteur. Alors, comment expliquer ça? Et certains ulama, finalement, ils disent que Moussa, il a appris au Pharaon qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des cieux, et puis lui, il veut se moquer, et puis il a demandé à Haman de construire une tour pour monter chercher ce Dieu-là. Donc il cherchait le haut. Rien ne prouve ça. Si, si, si. De toute façon, ils l'ont mis comme preuve, et c'est pas seulement lui. J'ai vu Ibn al-Qayyim Rahimah Ibn Taymiyyah le père, Ibn al-Qayyim et aussi al-Hafid al-Dhahabi, il a parlé de ça, et beaucoup de ulama, c'est-à-dire ils ont parlé de ça, ils ont dit que Moussa, il lui a appris ça, c'est-à-dire il lui a dit comment, tout ce qu'il lui a expliqué, la première chose que les prophètes propagent, c'est la ilaha illallah, donc il va lui parler du nom et des attributs d'Allah, que le fait qu'Allah est au-dessus du ciel, et puis lui, il a voulu se moquer, quoi. Non, Anne. Ça, c'est une civilisation, je sais pas. قال الشاهد من هذا أن أمر فرعون ببناء صرح يطلع به على إله موسى يدل على أن موسى قال لفرعون وآله إن الله في السماء. Ça, c'est تعليق le commentaire du Cheikh Al-Uthaymeen رحمه الله حفظه الله رحمه الله حيا أو ميتا. C'est-à-dire il a dit que ça prouve vraiment que Moussa il a dit à Pharaon qu'Allah il est au-dessus des cieux, et puis lui il a dit bon en se moquant on construit moi une tour pour que je puisse. Et puis maintenant le verset dans Surat al-Mulk, A'amintum man fil sama' A'amintum man fil sama' et ayyakhsifa bikum al-arda fa'idha hiya tamur A'amintum man fil sama' et ayyusla alaykum hasiba fasata'alamuna kayfa nadir. Êtes-vous sûr que celui qui est aux cieux n'ouvrira pas la terre sous vos pas? Voici qu'elle tremble. Êtes-vous sûr que celui qui est aux cieux ne déchaînera pas contre vous un ouragan de pierre? Vous connaîtrez alors ce que sont nos avertissements. Ça veut dire qu'il est au-dessus des cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi qu'il est aux cieux? Fis-sama, ça veut dire al-sama. Fi, ça veut dire ala. D'accord? Comme dans le verset où Pharaon il dit la usallibannakum fi judu'in nakhl. C'est-à-dire, je vais vous réciter fi, c'est-à-dire au-dessus. Fi dans ce verset, ça veut dire au-dessus. Donc, il y a beaucoup de versets là-dessus. Le cinquième et sixième verset, c'est ça. Et puis, le dernier verset. Pour Pharaon, on connaît son nom. Hein? Vous connaissez son nom? Il s'appelle Pharaon, on le connaît par Pharaon. Pharaon al-La'in. Êtes-vous sûr? Ouais. Il y a le dernier verset, c'est lui qui créa les cieux et la terre en six jours, puis il s'est établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Il est avec vous, où que vous soyez, il voit tout ce que vous faites. Et sur ça, c'est le verset. On va parler de ça, qu'il est au-dessus des cieux et qu'il est avec vous. C'est-à-dire al-ma'iyya, ce qu'on appelle al-ma'iyya, ça veut dire qu'il est avec nous, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est l'épreuve, bien sûr. Moi, je marquais dans dans les feuilles que je vous ai données pas mal de preuves là-dessus. Je vais en parler. Dans la sunna, c'est des preuves que j'ai marquées dans la sunna. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand Allah a créé les créatures, il a écrit dans un livre, celui-ci est avec lui sur le trône, ma miséricorde a devancé ma colère. Il a écrit un livre. Ce livre, il est avec Allah subhanahu wa ta'ala sur le trône. Ça veut dire qu'il est au-dessus du trône subhanahu wa ta'ala. Et le hadith, il est authentique, rapporté par les deux savants, les grands al-Bukhari wa Muslim. Et Al-Bukhari aussi, il rapporte aussi dans son livre authentique que Zaynab bint Jahsh, il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui m'a marié avec toi, c'est le tout miséricordieux au-dessus de son trône. C'est le tout miséricordieux au-dessus de son trône. Il n'a pas dit comme ce que disent ceux qu'Allah a dévié leur cœur. Tu lui dis Allah est le tout miséricordieux. Si tu lui ramènes la même phrase qu'a dite Ummuna, notre mère, Zaynab bint Jahsh, radiyallahu anha, il va dire, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le prophète l'a dit? Ça ne va pas, hein? Tu es une assimilionniste, toi? Ah, hada tashbih, hada. Comment tu me dis que le tout miséricordieux, il est sur le trône? Le prophète ne l'a pas dit, ça. Il ne l'a pas dit. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais laissé quelque chose, tout ce qui se passe, tout ce qui concerne sa communauté, il en a parlé. Chaque fois qu'il se pose une situation, il éclaircit. Il ne laisse jamais quelque chose comme ça. Dans l'ambiguïté. Toujours. Là, il y a toujours un tachir ou le bayan et un de waqt al-haja. Qa'ida. Une règle. Qu'il ne faut pas laisser quelque chose jusqu'à ce que le temps, son temps passe. Et jusqu'à ce qu'il soit oublié. Non, le prophète, chaque situation qu'il se pose, lui, il éclaircit. Il n'a pas laissé sa communauté dans les gardes. Zaynab bint Jahsh, radiallahu anha, il a dit ça. Celui qui m'a marié avec toi, c'est le tout miséricordieux au-dessus de son trône. Al-Bukhari, il rapporte. Ah, c'est Bukhari. Il n'y a rien à dire. Tu vas tordre, tu vas l'effacer de Bukhari ou déchirer la feuille. Qu'est-ce que tu vas faire? Subhanallah. Ibn Khuzaymah, dans son livre, Tawhid, j'ai ramené trois preuves, mais les preuves. Ibn Khuzaymah dans son livre Tawhid est également At-Tabarani dans son livre Al-Kabir et Al-Bayhaqi dans Najm al-Zawaid, le volume 1, page 86. Il rapporte que dans un long hadith rapporté par Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il a dit « Et Allah est au-dessus du trône ». J'ai pris la phrase quoi dans le long hadith. C'est clair, il y a des preuves authentiques devant les gens, mais qu'est-ce que tu veux? Et est-ce qu'on a le droit de dire où est Allah? A-t-on le droit de dire où est Allah? Voilà. Dans un hadith, Mu'awiyah ibn Abi al-Hakam ibn al-Hakam Sulami, radiallahu anhu, il a ramené une esclave au prophète sallallahu alayhi wa sallam. De toute façon, c'est un hadith qui est long. Et il veut affranchir cette esclave. L'histoire, pourquoi? De toute façon, c'est une longue histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à l'esclave, qu'est-ce qu'il lui a demandé? Où est Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à cet esclave, parce que pour la libérer, il faut qu'elle soit croyante, une musulmane. Donc il lui a dit, où est Allah? Et l'esclave, elle a répondu, au ciel. Qala laha, ayna Allah? Qalat, fis samaa. Qala laha, qui suis-je? Man ana? Qalat, anta rasulullah. Qalat, elle a répondu, tu es le messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, affranchis-la, car c'est une croyante. Il a jugé que c'est une croyante. Pourquoi? Parce qu'il a jugé qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des yeux, qu'il a dit que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est le messager d'Allah. Et le prophète qui a dit, c'est le prophète qui a dit, où est Allah? Où est Aïna Allah? Aïna? Aïna Allah? C'est lui qui l'a dit. Et le hadith, il est rapporté par qui? Muslim. Par Muslim, authentique. Par l'imam Muslim. Donc c'est clair, on a le droit. On a le droit. Il y a des gens qui disent, oui, Allah, c'est... Il dit le dernier hadith. Quand on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une question que j'ai mis là. Non, je vous jette. Non, il est... Ah, une longue histoire aussi. Comment il est... Non, non, ce n'est pas une interprète. Ils font douter les gens de l'authenticité. Il y a musulman. Il y a musulman. J'ai eu un débat entre un Ash'ari et le Cheikh Al-Albani sur l'authenticité de ce hadith. Il a dit il faut parler, quand tu parles de l'authenticité, ou bien tu es un savant, tu connais, tu es un alim de hadith, et là on peut discuter, ou bien tu n'es pas un alim de hadith, et là tu l'as fermé carrément. Tu ne parles même pas. Quand on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, attends. Voilà. Voilà, comme ça, si vous avez des enfants, avant qu'ils parlent, vous leur direz « Oh et Allah », avant que sa langue ne se libère pour prononcer, il faut qu'il apprend à faire comme ça. C'est ce qu'a fait exactement notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le jour de Arafa, l'année du pèlerinage de Dieu, la majorité des compagnons étaient présents. Environ 100 000 pèlerins. Je répète, environ 100 000 pèlerins. Au milieu de ce rassemblement historique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, est-ce que j'ai transmis le message? Allah al-Ballat. Et les compagnons répondent, Naam. Et il a répété, Allah al-Ballat. Est-ce que j'ai transmis le message? Ils ont répondu, oui. Et puis la troisième fois, il a dit, Allah al-Ballat. Est-ce que j'ai transmis le message? Ils ont répondu, oui. Et à chaque fois, Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhu, il dit à chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il montre du doigt le ciel et il dit Allahumma fashhad, sois témoin. Oh Allah, sois témoin. 100 000 compagnons, des montagnes de science devant lui. Personne n'a levé la voix, il a dit ça c'est ressembler à Allah, à ses créatures. Tu mets Allah dans un endroit, quelqu'un a protesté. Et quelqu'un, unanimité, ils sont d'accord qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est de ce que lui n'est pas au-dessus. Hadith rapporté par l'imam muslim sous le numéro 1218, hadith de Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu. Et des preuves, et des preuves, et des preuves, et comme preuve que personne ne peut renier, c'est ce que je dis, que par prime nature, la personne, quand il invoque Allah, il se dirige vers l'eau, il cherche l'eau. Même l'animal, il cherche l'eau. Même l'animal. L'animal, quand il y a les tremblements de terre et les inondations, les animaux, ils crient et ils lèvent la tête. Subhanallah, par expérience. Je crois que Majid Zandani qui a parlé de ça aussi. Donc, je crois que... La prosternation, c'est une preuve. Parce que quand tu mets ton front et ton nez par terre, qu'est-ce que tu dis? Subhanarabbiya. Et quand tu es incliné comme ça, subhanarabbi al-azim, mais quand tu descends, ça veut dire qu'il est le plus haut, que tu dis subhanarabbi al-azim. Mais regardez l'importance du dogme. Regardez l'importance du dogme. C'est-à-dire quand tu mets ta tête et ton front et ton nez par terre, et tu dis subhanarabbi al-a'la, il faut à l'intérieur de toi que tu dis ulu qadr wa ulu qahr wa ulu zat. C'est-à-dire qu'il lui-même il est au-dessus. Lui-même. Il faut avoir cette conviction pour que ce sujoud, inshallah, soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez l'importance du dogme, c'est pas facile. D'accord? C'est-à-dire, avant l'acte, il y a le dogme. Hein? Une personne ne peut faire le djihad ou ne peut combattre soit pour un principe ou quoi. C'est déjà précédé par quoi? Par des principes qu'il est. C'est-à-dire, il a des principes qu'il combat pour ces principes-là. D'accord? Si ce principe est faux, tout son combat, il est faux. Si le dogme est vrai, son combat est vrai. D'accord? Parce que c'est un dogme qui donne des fruits. Quand on est convaincu qu'Allah lui-même il est au-dessus, c'est-à-dire il est au-dessus des satellites, il est au-dessus des chasseurs-bombardiers, il est au-dessus de tout ce que tu veux. Le jour où l'autre il te dit, le jour où ils seront au-dessus d'Allah, d'accord, on va se soumettre à... D'accord? Le dogme, il a des résultats, il a des conséquences, il a des fruits sur l'axe de la personne, il a des fruits sur... il a des fruits, c'est-à-dire réels, qu'on peut toucher. D'accord? Donc c'est très important. C'est-à-dire, nous, on adore Allah subhanahu wa ta'ala 5 fois par jour, alors comptez combien de prosternations. Si quelqu'un, il est cassé dans son dogme, dans le fait qu'il renie qu'Allah, il est au-dessus lui-même sur les cieux, comment ça va être sa prière? الله العافية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Exprès aujourd'hui, j'ai refait, j'ai parlé de l'Istawa d'explication pour que vous renforcez là-dessus. Vous connaissez tout le terme. Si vous arrivez de débattre avec quelqu'un, vous pouvez lui expliquer l'Istawa, ce que ça veut dire dans tout le Coran, dans la langue arabe, pour qu'après je parle de l'Na'iya, c'est-à-dire qu'Allah est avec nous. Il va dire comment le fait qu'Allah est au-dessus et en même temps il est avec nous. Parce que c'est une préparation au cours prochain. Inch'Allah, bidillah. Parce que les soufis, ceux qui, les adeptes du démonisme, ils se basent sur des hadiths, sur des versets comme ça. Mais il dit, il n'y a pas trois personnes, sauf ce qu'Allah est le quatrième. Ou six, Allah, ou plusieurs, ou plus de un. Et Allah est avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On va en parler, Inch'Allah. Et puis, qu'est-ce qui reste encore? On va parler de la parole d'Allah. Que le Coran est la vraie parole d'Allah. Et on parle de quoi, Inch'Allah? De que les croyants vont voir Allah et les preuves dans la Sunna et dans le Coran. Et dans le Coran, les preuves, toutes les preuves dans le Coran, que les croyants ils vont voir Allah. Et Inch'Allah, après on parle du destin et de la prédestination. Oui, pour revenir à Pharaon et Aman, dans les deux cas, les sectes elles sont coincées, parce que soit c'est Moussa qui lui a appris à Pharaon qu'Allah est au-dessus, donc ça prouve que Moussa dit qu'Allah est au-dessus, et dans l'autre cas, c'est la fitra qui dit qu'il est au-dessus. Oui, ça peut être ça. Mais sincèrement, j'ai été étonné que c'est pas seulement Ibn Taymiyyah a parlé de ça. Bon, dans le Wasati, il y a beaucoup dans les Fatawa. Et même l'élève, Ibn Qayyim, aussi, dans le Radd al-Jahmiyyah, j'ai trouvé il sort aussi ce verset-là. Et puis, il Hafid al-Zahabi, dans le Ulu al-Ali al-Ghaffar, l'autre élève d'Ibn Taymiyyah, qui parle aussi de l'histoire de Haman et de Pharaon. C'est comme il y a une sorte de ijma, d'un petit ijma, unanimité. Que c'est une preuve, ce verset-là, cette moquerie de Pharaon, ça prouve qu'Allah il est au-dessus de ça. Mais Pharaon, c'est un nom ou c'est Pharaon? Non, c'est une dynastie. À chaque fois que quelqu'un y prend, comme une dynastie comme Kesra et comme Kaysar, les tsars en Russie, à chaque fois qu'un homme y prend le pouvoir, on l'appelle. Le tsar. C'est comme ça, les pharaons, à chaque fois que quelqu'un prend le pouvoir, on l'appelle le pharaon. Mais ça, c'est un pharaon bien précis. Qui a vécu en même temps que Moussa. C'est la République de nos jours. C'est Le pharaon.